Lettre 7e, en vue du rocher de Gibraltar, le 8 octobre 1817. Peu de jours se sont écoulés depuis notre départ, et je vais déjà t'entretenir de malheureux événements que les rares talents de notre chirurgien et le zèle et les soins de son digne second n'ont pu prévenir. Puisque je t'ai promis le récit de tout ce qui nous arriverait de remarquable, triste que soit celui que j'ai à te faire, je ne dois pas le passer sous silence, en soulage ses peines en les racontant. À peine M. Pratt-Bernon a dit un triste adieu à son pays, qu'il en dit un plus triste encore au compagnon dont il espérait partager les travaux et la gloire. Aimable, chéri de ses égaux par son caractère facile et indulgent, estimé de ses chefs par ses connaissances et sa modestie, il a quitté depuis hier une vie qui l'ennoblissait par des travaux utiles et des qualités dont tout honnête homme serait orgueilleux. Si dans nos cités l'appareil de la mort afflige les regards, combien le cœur est plus vivement déchiré sur un vaisseau, au milieu des mers, à l'aspect des lugubres préparatifs qui accompagnent les derniers instants d'un homme. Ici, tout concourt à redoubler l'horreur de la situation et le morne silence de l'équipage attendri et le découragement répandu sur tous les visages et la crainte d'un sort pareil que tout le monde éprouve parce que rien n'est là pour nous distraire et plus que tout cela, le frémissement monotone des flots qui vont dévorer leur proie. Dans le sein de sa famille, un homme meurt. Ses amis sont là. Des larmes lui disent qu'il est regretté. Ses restes seront déposés dans un lieu où tout ce qui s'intéresse à lui pourra les jeter des fleurs. Ici, un homme souffre, meurt, un drap l'enveloppe, les flots s'ouvrent, ils se ferment, il ne reste de lui que le souvenir de ses vices ou de ses vertus.